na koka. Merci papa, osali nsami na koka. Osali mosili ya solo. Changer notre histoire, tu mérites l'adoration de ton sang.